petite fillette gambade en forêt. Un sac à dos rose à l'effigie d'une chatte prénommée Kitty. Sautillon, balancement régulier, mais guettant cette danse insouciante, tapis dans l'ombre des framboisiers. Deux yeux dangereux vont s'allumer, guidés par des idées malveillantes. C'est une histoire à glacer les enfants, des fariboles pour les souris des champs, mais l'épouvante pour les vraies petites filles, c'est de grandir avec les rats des villes. Dans un élan plus ou moins brutal, le grand méchant loup sort de son trou, prend gentiment fillette par le cou et lui détache d'un doigt le cartable. Puis dans la douleur et le silence, tous les animaux tournant le dos, le loup fait son devoir de salaud et déchire le récit d'une enfance. C'est une histoire à glacer les enfants, des fariboles pour les souris des champs, mais l'épouvante pour les vraies petites filles, c'est de grandir avec les rats des villes. Thank you.